بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله متخشى فخار سار. Aujourd'hui, le vendredi 22 Ramadan, pour nous ici à Médine, de l'année 1441 de l'Hégire, correspondant au 15 mai 2020. Nous poursuivons, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, ensemble, dans ces périodes bénies, les jours de Ramadan, ensemble, la lecture de la vie de notre prophète alayhi salatu wassalam. Et nous avons parlé dans le cours précédent, ou dans les deux cours précédents, nous avons parlé de la bataille de Uhud, cette grande bataille extrêmement importante dans les batailles de l'islam, dans laquelle Allah Azza wa Jal a permis de discerner entre la foi et l'hypocrisie, et dans laquelle Allah Azza wa Jal a dévoilé les hypocrites. Et comme on a vu, l'hypocrisie n'avait pas lieu à Mecca, et elle est apparue après la victoire des croyants dans la bataille de Badr. Et comme ils ont, avec leur victoire dans la bataille de Badr, suite à laquelle ils représentaient une force, une puissance qui était redoutée, et c'est de là qui est apparue l'hypocrisie. Alors qu'avant, il n'y avait que deux clans. Le clan de la foi pure et sincère, et le clan de la mécréance pure. Et l'hypocrisie dont les savants parlent ici, c'est pas la petite, par laquelle beaucoup de musulmans peuvent être touchés, comme l'a dit Cheikh l'Islam Taymi rahimahullah. Et rares ceux qui sont sauvés de cette petite hypocrisie, ne pas respecter ses engagements, ne pas tenir ses paroles, mentir quand la personne parle, quand elle ment, et ainsi de suite, parmi les points qui font partie de la petite hypocrisie. Mais ce qui est visé ici, c'est la grande hypocrisie. La grande hypocrisie qui est montrer l'islam et cacher la mécréance. Et donc, c'est des gens qui sont entrés dans l'islam par intérêt ou pour d'autres raisons, pour protéger leurs biens, pour protéger leurs personnes, des choses comme ça. Ou pour être parmi les croyants et dans leur rang et pouvoir leur faire plus de mal ainsi. Car comme vous savez, l'ennemi interne fait beaucoup plus de mal que l'ennemi externe. L'ennemi interne fait beaucoup plus de mal que l'ennemi externe. C'est rare où des juifs et des chrétiens ou des athées arrivent à égarer un musulman qui a connu sa religion. Il y a des gens, si ça se trouve, ils n'ont jamais été dans l'islam. Parce que l'islam, c'est pas le fait de s'appeler Mohammed ou même de faire salat. L'islam, c'est des croyances et des mises en pratique. Il y a des croyances qui valident l'islam, et celui qui ne les a pas, c'est pas un musulman. Et ça, c'est des points très importants dans notre religion qu'on doit connaître. T'es pas musulman parce que t'es né en Algérie ou là au Maroc. Yani, on parle de l'islam auprès d'Allah. On parle pas pour nous. Pour nous, toute personne qui dit musulman, pour nous, on croit que c'est un musulman. Du moment qu'elle dit la ilaha illallah, c'est un musulman. Ça, c'est l'islam de dunya. Mais on parle de l'islam, de l'akhira, l'islam auprès d'Allah Azzawajal, qui sera la cause de ta sauvée entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala, de son châtiment douloureux. C'est de cet islam que nous parlons. Et dans cet islam, il y a des croyances, un minimum de croyances à connaître et auxquelles il faut adhérer. Que ce soit au niveau des six piliers de la foi en Allah, aux messagers, et la foi en Allah, aux anges, aux livres, aux messagers, au jour dernier et au destin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc par rapport à chaque point, il y a un minimum de croyance qui valide ce pilier. Si on prend par exemple le premier pilier, la foi en Allah, le minimum qui le valide, c'est de croire en quatre choses. Croire en l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le deuxième, croire en son unicité dans la seigneurie. Et qu'il est unique dans tous ses actes, et qu'il est l'unique créateur, l'unique roi, l'unique souverain et l'unique pourvoyeur. Le troisième point, croire en son unicité dans la divinité, et qu'il est le seul qui mérite toute notre adoration, et que l'adoration doit être vouée à lui seul. Subhanahu wa ta'ala. Aimer croire en tout ce qui est adoré en dehors de lui. Et le quatrième point, c'est de croire en son unicité dans les noms et les attributs. Qu'Allah Azza wa Jal a des noms et des attributs par lesquels il s'est nommé ou il s'est décrit, que ce soit dans son livre ou dans ce que nous a rapporté son messager, alayhi salatu wassalam, dans l'authentique de sa sunna. Donc c'est avec ces quatre points qu'on valide le premier pilier de foi. Et idem pour les cinq autres piliers de foi. Je disais qu'on a parlé de cette bataille et de son déroulement, cette bataille, la bataille de Uhud, qui a eu lieu un samedi. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, on a vu qu'il est sorti le vendredi de Medina, après consultation de ses compagnons, et malgré qu'il préférait rester à Médine et ne pas exposer ses compagnons au danger, mais ils ont tellement insisté que Nabi sallallahu alayhi wa sallam est sorti après leur consultation. Il est sorti rencontrer son ennemi, les koufars de Quraysh, dirigés par Abu Sufyan, les rencontrer à côté de la montagne de Uhud. Et que on a vu également que les musulmans dans cette bataille ont subi des dégâts important et lourd, notamment le décès de 70 parmi les compagnons radiyallahu anhum, dont 10 sont ceux qui étaient sur le petit mont, ce qu'on appelle le mont des archers, Jabal al-Rumat. Les 10 qui sont restés et qui ont obéi au prophète alayhi sallam, les 10 sans tomber martyr. À leur tête, Abdullah ibn Jubayr. Et pourquoi je dis ça? C'est pour faire le lien avec les sagesses qu'on va voir qui ont été tirées de cette bataille et les profits qu'ont tirés les musulmans de cette bataille. Notamment, le degré de martyr qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accordé à tous ces hommes qui le souhaitaient tellement. Et malgré que Kuffar Quraysh était, leur nombre était de 3000, ils étaient beaucoup mieux plus armés que les musulmans, Et les musulmans, jusqu'à cette période encore, ils souffraient de pauvreté de manière générale. Il y avait une pauvreté dans le Médina. Et Dunia n'était pas encore ouverte pour les musulmans. C'est pour ça, si vous rappelez, on a vu que Khabbab ibn al-Arat, radiyallahu anhu, cet homme qui a été extrêmement torturé à Mecca, au point où quand il montrait son dos, Umar radiyallahu anhu ne pouvait pas continuer à regarder son dos, dans lequel il y avait des trous, comme une main, dans lesquels tu pouvais mettre ta main, et il y en avait plein sur son dos, et dans son corps, radiyallahu anhu. Cet homme disait, qui a vécu après, yani quand Dunia s'est ouverte pour les musulmans, et que les conquêtes se sont multipliées, et que les gens sont entrés dans la religion d'Allah par groupe, il pleurait quand il pensait à ses frères qui sont décédés avant cela, et qui n'ont rien pris de cette dunia, et qui ont quitté cette dunia sans goûter à sa saveur et sans profiter de l'abondance de richesses qu'Allah a accordé par la suite aux musulmans. Il pleurait quand il pensait à ses frères, notamment Mus'ab ibn Umayr radiyallahu anhu. Et que l'un d'entre eux, ils n'ont même pas trouvé de quoi le couvrir après sa mort, radiyallahu anhu, sans partir rien, avec rien de cette dunya. Et il pleurait, radiyallahu anhu, quand il pensait à Mus'ab ibn Umayr. On a vu, malgré que le grand nombre de Kuffar Quraysh par rapport et leur supériorité dans le nombre par rapport aux croyants, mais les croyants, en très peu de temps, ils ont dominé totalement cette bataille. Et ils ont vaincu leurs ennemis. Au point, ils sont arrivés jusqu'à leur femme, l'arrière de leur armée. Et que Kuffar Quraysh ont pris la fuite jusqu'au point où c'était une certitude que la bataille était finie et que les compagnons ont commencé à se partager le butin et à prendre leur part dans le butin. Et c'est là où les 40 parmi les 50 qui étaient sur le mont des archers ont quitté leurs emplacements avec cette désobéissance au prophète alayhi salatu wassalam, qu'ils ont justifié par le fait que la guerre était finie et qu'il n'y avait plus de raison pour rester sur le mont. Et ça, c'était contraire à l'orientation du prophète alayhi salatu wassalam. Et il n'a cessé de le rappeler cela, Abdullah ibn Jubayr radiyallahu anhu, mais c'était plus fort l'envie de descendre et de partager avec leurs frères, de partager les butins et de prendre leur part. Et cette erreur, Allah leur a pardonné cette erreur comme on l'a vu dans le Coran. وَلَقَدْ عَفَ اللَّهُ عَنْهُمْ. Et Allah leur a pardonné. Il leur a pardonné et même cette erreur se transformera pour les compagnons radiyallahu anhum en une des plus grandes leçons. En une des plus grandes leçons. Et ils vont voir de manière palpable au toucher, comme au toucher, avec la main, l'importance de se conformer à la sunna dans les plus petits et les plus précis des détails. Et il n'y a rien qui est secondaire dans la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Nous disons, il n'y a rien qui est secondaire dans la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Du moment que ça fait partie des orientations du prophète alayhi salatu wassalam, et de ses recommandations pour la Ummah, c'est important. Après, il y a un degré d'importance et des degrés de priorité qui varient d'une législation à une autre. Mais sinon, tout ce qui nous a été rapporté de Nabi Issa salam est important. Et pas comme disent certains égarés, ils disent que dans la sunna, il y a la pulpe et l'épluchure. Et ils veulent dire par l'épluchure les détails, Zahma, la barbe, Khamis, les choses comme ça, que ce sont des détails qui n'ont pas d'importance. Comme disait Cheikh Al-Albani, rahimahullah, sans cette épluchure, la pulpe ne serait même pas préservée. Et c'est un des moyens de préserver cette pulpe. Même si on dit que ça c'est plus important. Donc il n'y a rien qui n'est pas important dans ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. Tout est important. Après il y a des ordres de priorité et Allah ne charge pas une âme au-dessus de sa capacité. Celui qui n'a pas la capacité de faire une obligation ou quelque chose de recommandé, c'est pas une obligation pour lui déjà. C'est pas une obligation pour lui déjà. Celui qui ne peut pas jeûner à cause de sa maladie chronique, de sa maladie incurable, Allah ne l'a pas chargé du jeûne. Il ne jeûne pas. Mais il fait l'expiation qui remplace le jeûne pour lui. Quelqu'un qui ne peut pas être debout dans la salat, c'est pas une obligation d'être debout pour lui dans la salat. Malgré que toi qui es capable d'être debout, si jamais tu t'assois parce que tu as peur qu'on te voit dans l'entreprise ou des choses comme ça, la salat n'est pas valide. Parce que debout est un pilier de la salat. La position debout est un pilier de la salat. Et tu ne peux pas le délaisser parce que tu es dans l'entreprise ou parce que tu es dans les horaires de travail ou pas. Yani, ça ce sont des devoirs, na'am. Mais il y a des devoirs qui t'ont été prescrits avant l'apparition de cette entreprise par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on a vu, malgré la supériorité dans le nombre de Kuffar Quraysh, les muslimines, dans la première partie de cette bataille, ils ont dominé rapidement, comme on a vu. Et il y a eu cette erreur qui était décrétée par Allah subhanahu wa ta'ala pour des sagesses que nous allons voir, bi'idhnillah. Mais malgré, et ensuite, il y a eu un renversement de situation. Il y a eu un renversement de situation quand Khalid ibn al-Walid a pu voir cette faille avec Ikrim ibn Abi Jahl et ils ont attaqué les archers, les 10 qui étaient sur la montagne, ils les ont tués tous. Et ensuite, ils ont attaqué l'armée des musulmans et ils ont tué 60 hommes en un temps, en très court temps. Ils ont tué 60 parmi les croyants, ces 70 hommes à qui Allah Azzawajal a accordé ce degré du martyr. Il les a honorés par le degré du martyr. Et qui ont été choisis par Allah subhanahu wa ta'ala pour ce grand mérite. Et on a vu l'héroïsme des compagnons dans cette bataille dont ont fait preuve tous les combattants sans exception, mais il y en a qui ont brillé plus que d'autres, radiyallahu anhum. Et ça c'est le bienfait d'Allah, il l'accorde à qui il veut. Notamment Abu Dujana, radiyallahu anhum, qui a pris l'épée du prophète, alayhi salatu wassalam, et qui a combattu avec, et qui a fait beaucoup de dégâts dans les rangs des mécréants. Également, Ali ibn Abi Talib, qui a combattu d'une manière remarquable dans cette bataille. Et, dès le début de la bataille, il a tué celui qu'on appelait l'héros des Arabes. Un homme qui n'a jamais été vaincu dans sa vie. Ali ibn Abi Talib, j'ai pensé à Amr ibn Oud, celui-là, Ali ibn Abi Talib l'a tué dans la bataille de Khandaq. Mais dans cette bataille, il a tué celui qui portait l'étendard des mécréants, Talha ibn Abi Uthman. Également, An-Nadr ibn Anas, radiyallahu anhu, qui a combattu d'une manière exceptionnelle et qui avait un rôle extrêmement important dans cette bataille. Quand les croyants, quand Shaytan a crié que le prophète A.S. était mort, et que beaucoup de croyants l'ont cru, ils ont cru que c'était vrai, car ils ne voyaient plus le prophète, alayhi salatu wassalam, ils ne voyaient plus le prophète, alayhi salatu wassalam. Quand ils ont cru que c'était vrai, beaucoup parmi les compagnons, radiallahu anhum, comme s'ils ont, ça a été un choc pour eux. Et il y en a même, ils ont jeté leurs armes, et ils se sont mis par terre. Et, An-Nadr ibn Anas, radiallahu anhum, il avait un rôle très important, c'est lui qui les a motivés et qui les a encouragés à poursuivre la bataille jusqu'au bout. Et si le prophète, même s'il était décédé et mort et tué dans cette bataille, qu'il fallait continuer jusqu'à faire triompher la vérité ou mourir sur la même chose sur laquelle il est mort, alayhi salatu wassalam. Et ensuite, il a dit à Sa'd ibn Mu'ad, radiallahu anhu, qui était pas loin de lui, il lui a dit, je sens l'odeur du paradis. Je sens l'odeur du paradis. Et il s'est jeté en plein milieu des mécréants. Il s'est jeté en plein milieu des mécréants. Il a combattu d'une manière, avec un courage exceptionnel, jusqu'à ce qu'il a été tué, radiallahu anhu. Également, parmi les compagnons au sujet desquels, yani, ça a été rapporté des récits authentiques et exceptionnels, c'est Hanzala, radiallahu anhu. Hanzala ibn Abi Amir. Hanzala ibn Abi Amir, radiallahu anhu, c'était un jeune homme. Et la nuit dans laquelle est sorti le Nabi Aïssa Salam vers Uhud, c'était sa nuit de noces. Il venait de se marier. Il venait de se marier, radiallahu anhu. Et il a consommé son mariage. Yani, à peine il consommait ce mariage. Et quand l'appel au combat dans le sentier d'Allah a été lancé fil Medina, il est sorti de chez lui alors qu'il était en train d'avoir des rapports intimes avec son épouse, sa nouvelle épouse qui vient d'épouser, radiallahu anhu. Et il est sorti dans un état de janaba. Il a même pas eu le temps de se laver. Il a pris ses armes et il est sorti. Subhanallah. Wallah, quand on voit des choses comme ça, Allah, on voit comment ces hommes, entre parenthèses, ils ont tout compris. La valeur de dunya et le but de notre création dans cette dunya et de notre existence dans cette dunya. Donc il a tout laissé derrière lui, il a même pas eu le temps de se laver de l'janaba. Il est sorti, radiallahu anhu, il a participé dans cette bataille et il a combattu jusqu'à ce qu'il a été tué. Jusqu'à ce qu'il a été tué, radiallahu anhu. Et le Nabi Aïssa Salam a informé les compagnons, radiallahu anhum, il leur a dit, votre compagnon, en parlant de Hanzala ibn Abi Amir, radiallahu anhum, il leur a dit, votre compagnon est en train d'être lavé par les anges. Demandez à son épouse. Yani, est-ce qu'il y a quelque chose? Donc le Nabi Aïssa Salam a vu les anges le laver. Et ça, c'était yani, un événement unique. On ne connaît pas deux hommes comme ça. Et il leur a dit, demander à son épouse, ils lui ont demandé, elle a raconté ce que je vous ai dit, qu'il était en train d'avoir des rapports avec elle, quand il a entendu le cri pour la bataille et pour le combat dans le sentier d'Allah, il est sorti sans se laver. Radiallahu anhu. Également dans cette bataille, parmi les martyrs, un homme qui s'appelle Amr ibn Uqaysh. Amr ibn Uqaysh, et le hadith s'est rapporté dans Sunan Abi Dawud, le Hafid ibn Hajar a dit de cette chaîne de transmission est une chaîne de transmission bonne. Donc, Amr ibn Uqaysh, radiallahu anhu, c'est un homme qui va entrer dans l'islam le jour de la bataille de Badr. Il a entendu que les membres de sa famille sont tous sortis dans la bataille de Badr et il est devenu musulman ce jour-là. Et il a porté yani, les vêtements de guerre et il a porté ses armes et il est sorti, il les a rejoints dans cette bataille. Et il a combattu dans la bataille et il a été blessé ensuite et ils l'ont ramené chez lui avec ses blessures. Sa'd ibn Mu'ad radiyallahu anhu, qui est de sa tribu, a demandé à sa sœur de l'interroger pour quelle raison il a combattu avec les musulmans. Est-ce qu'il a combattu par sectarisme, par fanatisme, pour faire triompher les siens? Elle lui a demandé, il lui a dit, non, j'ai combattu pour que la parole d'Allah soit la plus haute, ou pour faire triompher la religion d'Allah et de son messager. Et il est entré au paradis, Allah l'a fait entrer au paradis sans avoir fait une seule salat. Donc c'est un homme qui fait partie des hommes qui vont au paradis alors qu'il n'a pas prié une seule salat ni pendant son vivant. Il y en a, dès qu'il est entré dans l'islam, il est parti combattre dans le sentier d'Allah. Il est tombé martyr. Radiallahu anhu. On a vu comment les musulmans, dans la panique après l'attaque des chevaliers de Kuffar Quraysh, comment ils ont tué Al-Yaman, le père de Hudhayfa, radiallahu anhu. Et comment Hudhayfa, radiallahu anhu, a fait preuve de pardon et de noblesse, et il leur a pardonné. Il n'a pas accepté de prendre une rançon de ceux qui ont tué son père. Il a demandé à ce que ce soit une sadaqa pour les musulmans. On a vu également Amr ibn al-Jamuh, radiallahu anhu, parmi d'autres compagnons qui étaient très âgés et qui ont participé dans cette bataille. Parmi les compagnons qui étaient âgés et qui ont participé, Amr ibn al-Jamuh, radiallahu anhu, a participé dans cette bataille alors que 4 parmi ses fils étaient déjà parmi les participants. 4 parmi ses fils étaient parmi les participants dans cette bataille, radiallahu anhu. Mais il a insisté tellement pour participer. Et c'était un homme qui boitait, radiallahu anhu. C'était un homme qui boitait, c'est pour ça que ses fils lui ont dit que c'était pas la peine et qu'il était excusé, comme Allah Azza wa Jal a dit dans le Coran. Mais il a tellement insisté que le Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam a dit, laissez-le, peut-être qu'Allah Azza wa Jal veut lui accorder le martyr. Effectivement, il est tombé martyr dans cette bataille et il a dit au prophète Sallallahu Alaihi Wasallam, au messager d'Allah, si je tombe martyr, est-ce que j'irai au paradis avec ce pied avec lequel je boite aujourd'hui? Le Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lui a dit oui. Également, Sa'd ibn al-Rabi' radiyallahu anhu, ce compagnon parmi les Médinois, qui a été le frère de Abdurrahman ibn Auf, ce Mécois, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a fraternisé entre les deux, et c'est cet homme qui a proposé la moitié de ses biens et une de ses deux femmes à son frère Abdurrahman radiyallahu anhu. Ce compagnon, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a demandé aux compagnons après yani, la bataille, il leur a demandé de chercher où est-ce qu'il était Sa'd ibn al-Rabi'. Et il leur a dit, cherchez-le, car il a 12 coups dans son corps. 12 blessures dans son corps. Et ils l'ont cherché, et quand le compagnon, le premier qui l'a aperçu, il l'a appelé. Et celui qui l'a vu le premier, ça a été rapporté que c'est Muhammad ibn Maslama. Et dans d'autres versions, c'est rapporté que c'est Ubay ibn Ka'b, radiallahu anhu. Il l'a appelé, il n'a pas répondu. Et ensuite, il a dit, le messager d'Allah m'a envoyé te parler et prendre de tes nouvelles. Et c'est là, après une longue soupiration, il a répondu. Il a dit, est-ce que le messager d'Allah est vivant? Il a dit oui. Et il a dit, il nous a informé que tu as 12 coups, 12 blessures dans ton corps. Il a dit, par Allah, j'ai 12 blessures dans mon corps, toutes sont profondes, qui ont atteint mon intérieur. Yani, qui ont traversé son corps. Radiallahu anhu. Et il demande quoi? Est-ce que le messager, alayhi salatu wassalam, est vivant? Et ensuite, dans cet état-là, écoutez ce que dit Sa'd ibn al-Rabi'a radiallahu anhu. Il a dit, passe salam aux Médinois et dis-leur, accrochez-vous et cramponnez-vous à votre pacte d'allégeance avec le messager d'Allah, la nuit de l'Aqaba. Ensuite, il a dit, Wallahi ma lakum udhrun عند الله إن خلص إلى نبيكم ومنكم عين تطرف. Il a dit, par Allah, vous n'aurez aucune excuse si on arrive à atteindre votre prophète alors que vous êtes encore en vie. Il a dit, par Allah, vous n'aurez aucune excuse auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala si on arrive à atteindre votre prophète et lui faire du mal alors que vous, vous êtes encore en vie. Et quand Ubay ibn Ka'b ou Muhammad ibn Maslama a vu le prophète alayhi salatu wassalam, il a informé de ce qu'a dit Sa'd ibn al-Rabi' radiallahu anhu, et le prophète alayhi salatu wassalam s'est dirigé vers le Qibla, il a levé ses mains, il a dit, oh Allah, accueille Sa'd ibn al-Rabi' tout en étant satisfait de lui, tout en étant satisfait de lui. Donc on a vu que des compagnons qui étaient très âgés ont participé dans cette bataille, tels que l'Yaman, le père de Hudayfa radiallahu anhu, et Thabit ibn Waqsh, et d'autres également. Et parmi ceux qui sont tombés martyrs dans cette bataille, un juif qui s'appelle Mukhayriq. Il a combattu avec les musulmans dans cette bataille, et c'était un exemple pour les juifs qui sont entrés dans l'islam. Il est sorti dans cette bataille, et il a dit, avant de sortir, il a dit, si jamais je décède dans cette bataille, alors tous mes biens sont pour le prophète, alayhi salatu wassalam, il les distribue comme il souhaite. Et le Nabi, alayhi salatu wassalam, a dit Mukhayriq, le meilleur des juifs, rapporté par le Hafiz ibn Hajar dans son livre Al-Isaba. Et les histoires sont très très nombreuses des compagnons radiallahu anhum et de leur courage et de leur bravoure dans cette bataille. Mais pour pouvoir faire ce qu'on a prévu de faire, on va se limiter à ce qu'on a vu. Et également, le Nabi alayhi salam, dans cette bataille, malgré qu'il était préoccupé, et vous avez vu comment le déroulement de la bataille, ceci ne l'a pas empêché de corriger les erreurs, même dans les propos et dans les paroles. Il y avait un homme qui s'appelle Uqba, qui était un allié par affranchissement à un Médinois qui s'appelle Jabr ibn Utayk, ou Jabr ibn Atik, radiyallahu anhu. Et il a participé avec son maître, Jabr, radiyallahu anhuma, il a participé avec lui dans la bataille de Badr. Et Uqba, radiyallahu anhu, c'était un homme persan. Et il a combattu, et à un moment, il a frappé un associâtre, et il l'a tué. Il s'est crié, prends ce coup de moi, je suis l'homme persan. Je suis l'homme persan. Et Nabi alayhi sallam, quand il l'a pris, il a dit, prends ce coup de moi, je suis l'homme ansari, parmi l'ansar, les auxiliaires. Et ensuite il lui a dit, car celui qui est allié à une tribu par affranchissement, il fait partie d'eux. Donc toi, tu as été affranchi par un ansari, donc tu es un ansari également. Et comme on a vu, l'alliance par affranchissement fait partie des trois causes de l'héritage. C'est-à-dire que quand tu affranchis un esclave, quand il décède, tu fais partie de ses héritiers, avec sa famille. Bien évidemment, avec les autres règles de l'héritage. L'oncle fait partie des héritiers, mais quand l'homme laisse un fils derrière lui, l'oncle ne prend rien. Donc, yani, il fait partie des héritiers avec les autres conditions de la science de l'héritage. Donc, Nabi Issa Salam, le fait d'être préoccupé par cette grande bataille et avec tous les dégâts qui ont été subis par les musulmans et les préjudices, tout ça ne l'a pas empêché de corriger cette parole. Alayhi salatu wassalam. Quand la bataille s'est terminée avec le retrait des musulmans à cet endroit qui est entre deux montagnes, comme on l'a vu hier, et que Nabi alayhi salam a pu minimiser les dégâts pour son armée, et il a retiré toute son armée, alayhi salatu wassalam, Kuffar Quraysh également n'ont pas avancé vers les musulmans et ne les ont pas poursuivis, excepté Ubay ibn Khalaf, et on a vu que le Nabi alayhi sallam l'a tué avec une lance qu'il lui a jetée, qu'il l'a à peine touché, et il est mort avant d'arriver à Mecca. C'est lui le seul qui a osé aller vers les musulmans, et il a prétendu qu'il allait tuer le prophète alayhi sallam. Les autres, quand ils ont vu les musulmans se retirer, eux aussi ils ont reculé, ils se sont retirés. Et tous ces éléments, on va en avoir besoin quand on va parler, est-ce que c'était une victoire pour Quraysh ou pas? Est-ce que c'était une défaite pour les musulmans ou pas? Et quand ils se sont retirés, je disais que Abu Sufyan, il est monté à un endroit pour s'adresser aux musulmans. Il leur disait, est-ce qu'il y a parmi vous Muhammad? Est-ce qu'il y a parmi vous Ibn Abi Quhafa? Quand il a dit, est-ce qu'il y a parmi vous Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, ne répondez pas. Et il a dit ensuite, est-ce qu'il y a parmi vous Ibn Abi Quhafa, c'est-à-dire Abu Bakr as-Siddiq, radiyallahu anhu, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit, ne répondez pas. Il a dit, est-ce qu'il y a parmi vous Ibn al-Khattab, Umar radiyallahu anhu. Et ensuite il a dit, si les trois ont été tués, et ensuite il a dit, les trois certainement ont été tués, et s'ils étaient vivants, ils auraient répondu. Et Omar n'a pas pu s'empêcher de répondre. Il lui a dit, t'as menti, ennemi d'Allah. Allah a gardé ceux que t'as cités en vie pour t'attrister davantage. Et ensuite, Abu Sufyan a dit, U'lu Hubal, qui soit élevé, Hubal, la plus grande idole de Quraysh, et la première qui a été ramenée dans la péninsule arabique. Il a dit, U'lu Hubal, qui soit élevé, Hubal. Nabi sallallahu alayhi wa sallam leur a dit à ce moment-là, répondez. Ils ont dit, qu'est-ce qu'on va dire au messager d'Allah? Il a dit, dites, Allahu A'la wa Ajal. Allah est plus haut et plus glorieux. Et ensuite, Abu Sufyan a dit, Lana al-Uzza, wala Uzza lakum. Il a cité une autre idole de Quraysh qui s'appelle al-Uzza. Il a dit, nous avons l'Uzza. Et l'Uzza s'est dérivé de la puissance et de la victoire et du triomphe. Il a dit, à nous appartient l'Uzza. Et vous n'avez pas de Uzza, vous. Nabi Rasulallah leur a dit, répondez. Ils ont dit, qu'est-ce qu'on dit? Il a dit, dites, Allahu maulana, wala maula lakum. Allah est notre allié, notre seigneur. Et vous n'avez pas d'allié ni de seigneur. Et ensuite, Abu Sufyan a dit, Yawmun bi yawmin, Yawmun bi yawmi badrin, wal harbu sijal. Il a dit, ce jour-là est en contrepartie du jour de Badr, où vous avez dominé. Alors aujourd'hui, c'est nous qui avons dominé. Et la guerre entre nous sera ainsi. Un jour pour nous, un jour pour vous. C'est ce qu'il a dit. Et il a dit, vous allez trouver des cadavres mutilés parmi vos morts, qui ont été mutilés, défigurés. Et il a dit, nous n'avons pas donné l'ordre de faire cela. Nous n'avons pas donné l'ordre de faire cela. Mais ensuite, il a été pris par le fanatisme de l'Jahiliya. Il a dit, mais ceci ne nous a pas nui qu'il le fasse. Comme c'est rapporté dans l'authentique de l'imam al-Bukhari. Tout ce que je vous ai cité là. Excepté l'explication. Yani, quand il était touché par la fierté et l'orgueil de l'Jahiliya, il a dit, ça nous a pas nui qu'il les mutule. Et Omar ensuite a répondu en disant, la sawa, ils ne sont pas égaux. Qatlana fil janna wa qatlakum fil nar. Les morts parmi nous sont au paradis et les morts parmi vous sont en enfer. Ne sont pas égaux. Et les associateurs se sont retirés et se sont contentés des dégâts qu'ils ont fait subir aux musulmans et n'ont pas insisté et n'ont pas poursuivi les croyants et se sont retirés également de cette manière. Ils se sont retirés également de cette manière. Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhu, il dit, par rapport à la bataille de Uhud, par rapport à cette grande bataille de Uhud, ceci a été rapporté dans le Musnad de l'imam Ahmad et dans le Mustadrak de l'Hakim, et cette chaîne de transmission a été authentifiée par l'Hakim et Zahabi, rahimahullah, également. Dans laquelle Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu il dit, Allah n'a pas donné une victoire aux croyants comme leur victoire dans la bataille de Uhud. Celui qui rapporte d'Ibn Abbas, il dit, nous avons blâmé ce que Abdullah ibn Abbas a dit. Comment une victoire? Yani, c'est étonnant ce que Abdullah ibn Abbas dit radiallahu anhu. Et ensuite, Abdullah ibn Abbas lui a dit, entre moi et toi, le livre d'Allah. On le lit et on regarde, est-ce que, effectivement, c'était une victoire ou pas? Et il a commencé à lui lire les versets de Sourate Ali Imran, en lui expliquant, yani, verset par verset. Le premier qui lui a dit, il lui a dit, وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ. Il a dit, par rapport à la bataille de Badr, de Uhud, Afwan, Allah Azza wa Jalla dit, Allah a tenu sa promesse envers vous lorsque, par sa permission, vous les taillez par vos épées. Vous les taillez par vos épées. Et Abdullah ibn Abbas a dit, vous les taillez par vos épées, c'est-à-dire vous les tuez. Hatta idha fashiltum. Jusqu'au moment où vous avez faibli. Vous avez disputé les ordres, puis vous les avez carrément enfreints, alors qu'il vous avait laissé entrevoir ce que vous aimiez, c'est-à-dire le butin. Parmi vous, il en est qui voulait ce bas monde, et il en est qui voulait l'autre monde. Puis, pour vous mettre à l'épreuve, il vous a fait fuir devant eux. Donc ça, c'est comme on a vu quand dans les premiers instants, quand Khalid ibn al-Walid et Ikrima ont commencé à tuer par l'arrière de l'armée des muslimines. Et que c'était tellement un état de panique que beaucoup de compagnons ont pris la fuite. Ils ont fui. Ils savaient pas ce qui se passait. Il y en a pour eux, imaginez, la bataille est finie. Le butin est en train d'être partagé. Le kuffar ont fui. Et voilà, on voit des hommes tomber comme ça, on sait pas d'où ça vient. Il faut s'imaginer cette scène. Et purifier vos cœurs de penser du mal des compagnons, radiallahu anhum. Mais sinon, c'était une désobéissance de ceux qui ont quitté leurs emplacements. Qu'Allah Azza wa Jal leur a pardonné et ça a été décrété pour des sagesses immenses. Jusqu'à ce qu'Allah Azza wa Jal a dit, il vous a fait fuir devant eux, mais il vous a déjà pardonné, car Allah est plein de faveurs pour les croyants. Et Abdullah ibn Abbas a dit qu'Allah a visé par ce verset les archers qui étaient sur le mont. Car Nabi alayhi salam leur a dit, restez et protégez-nous par derrière et ne quittez jamais vos emplacements. Et ensuite, il a cité le reste, tout ce qu'il a cité, le reste, je l'ai dit avant. En tout cas, ce qui nous intéresse ici, c'est la parole de Abdullah ibn Abbas, dans laquelle il dit, radiyallahu anhu, Allah n'a pas donné à son messager une victoire comme celle de Uhud. Et ensuite, il a expliqué. Et donc, malgré les grands dégâts qui ont été subis par les muslimines, cette victoire, yani, on a vu que Kuffar Quraysh se sont retirés. Ils se sont retirés de la bataille également. Ils n'ont pas continué. Et en plus, on a, yani, Kuffar Quraysh, dans cette bataille, ils n'ont pas pris de butin. Kuffar Quraysh, dans cette bataille, ils n'ont pas pris de prisonniers de guerre. Kuffar Quraysh, dans cette bataille, ils n'ont pas fait comme c'était l'habitude des Arabes et comme faisait le prophète, alayhi salatu wasalam, également. Yani, rester à l'endroit de la bataille 3 jours après sa fin pour marquer sa victoire. Ils n'ont fait rien de tout cela. Ils se sont retirés et ils ont pris leur route vers Mecca. Ils n'ont même pas attaqué le Médina, dont la plupart des combattants étaient dans la bataille de Uhud. Et ils ont quitté l'endroit de Uhud et ils n'ont pas attaqué le Médina. Et ils sont retournés vers Mecca, on va voir qu'ils se sont dirigés vers l'endroit dans lequel s'est déroulée la bataille de Badr. La bataille de Badr. L'imam ibn al-Qayyim, rahimahullah, dans son livre Zad al-Ma'ad, il a parlé des sagesses qu'on puisse tirer de cette bataille. Il a commencé à parler d'abord des règles de jurisprudence qu'on puisse tirer de la bataille de Uhud. Yani au niveau de la jurisprudence, le fiqh. Le premier qu'il a cité, c'est que je vais vous les citer de manière résumée, mais j'invite tous ceux qui savent lire l'arabe à revenir vers Zad al-Ma'ad, ce livre précieux, et l'imam Ibn al-Qayyim a parlé de la bataille de Uhud ici, comme vous le trouvez nulle part ailleurs dans un livre à ma connaissance, et comme je l'ai entendu de savants également. Et même al-Hafid, pour vous dire, al-Hafid Ibn Hajar, et vous connaissez al-Hafid, vous connaissez son livre, Fath al-Bari, et sa place chez les hommes de science. Donc, même al-Hafid Ibn Hajar, il s'est contenté de résumer ce que Ibn al-Qayyim a cité dans son livre Zad al-Ma'ad, pour vous dire. Yani tellement c'était riche, et c'était complet, il a abordé la question de plusieurs points de vue, yani, il n'y a plus besoin d'autres choses après ce que l'imam Ibn al-Qayyim a dit, rahimahullah, qu'Allah lui fasse miséricorde. Donc, pour commencer par les règles de jurisprudence qui puissent être tirées de la bataille de Uhud. Premièrement, c'est que les croyants, quand ils portent leurs armes et ils se préparent pour la guerre, et qu'ils sortent pour la guerre, il n'est pas autorisé de faire demi-tour jusqu'à rencontrer l'ennemi. C'est pour ça que Nabi alayhi salam, une fois qu'il a porté ses armes et qu'il s'est préparé par la guerre, il a refusé de changer d'avis et que pour lui la consultation était finie et qu'il fallait sortir de toute façon. Également, on prend de cette bataille que c'est pas une obligation pour les croyants de sortir à la rencontre de l'ennemi et qu'ils peuvent rester dans leur ville et le combattre à partir de leur ville. Il est autorisé pour le chef de l'armée de traverser des terres qui appartiennent à des muslimines, même s'ils ne donnent pas leur accord sur leur route, dans leur route vers le combat. Il est autorisé de faire sortir les femmes dans le sentier d'Allah, yani, et profiter de leur aide. Et ça, c'est un point, subhanallah, que j'ai oublié de mentionner, le rôle des femmes dans la bataille de Uhud et dans toutes les batailles de l'islam. Elles avaient un rôle très très important. Yani, elles faisaient le rôle d'infirmières et de soignantes pour les blessés et pour les personnes qui sont touchées dans les batailles et autres. Et subhanallah, dans la bataille de Uhud, il y a une sahabiya, radiyallahu anha, qui a défendu le prophète, alayhi salatu wassalam. Quand les kuffars sont commencés à le frapper, ils se sont mis autour de lui. Il y a une sahabiya qui l'a défendu, radiyallahu anha. Il y a une femme parmi l'ansar, qui s'appelle Umm Salit, radiyallahu anha. Parmi les points également qu'on prend de cette bataille, c'est qu'il n'est pas autorisé pour le gouverneur de faire sortir des gens qui ne sont pas capables de combattre à cause de leur jeune âge ou à cause de leur vieillesse. C'est pour ça que Nabi alayhi salam a refusé plusieurs jeunes. Alayhi salam. L'autorisation de se jeter en plein milieu de l'ennemi avec des conditions, je vous invite à revenir à ce que les savants disent par rapport à ce point en particulier. Et que ce que font les gens qui se font exploser ne fait partie en rien de cela. Ça, c'est un combat. Et Sahabi, Nadr ibn Anas radiallahu anhu, yani, il s'est jeté en plein milieu des rangs des mécréants. C'était pendant un combat, il y a des conditions. L'imam, quand il est touché par des blessures dans la bataille, il peut diriger la salat tout en étant assis. Et ceux qui prient derrière l'imam assis, eux aussi ils s'assoient. Eux aussi ils s'assoient. Également, il est autorisé que l'homme invoque Allah de lui accorder le martyre dans le combat. C'est ce que beaucoup de sahaba ont fait dans cette bataille, entre autres Abdullah ibn Jahsh radiyallahu anhu. Et Sa'd ibn Abi Waqqas qui racontait l'histoire de Abdullah ibn Jahsh, et que chacun a fait un vœu, et que il disait, et le vœu de Abdullah ibn Jahsh était meilleur que le mien. Je l'ai vu se concrétiser. Il a demandé à Allah de lui accorder le martyre dans le combat de Uhud, et de que les koufars mutulent son corps. Et c'est ce qui s'est passé. Et il a demandé qu'ils mutulent mon corps, qu'ils coupent mon nez et mes oreilles, et quand je viendrai devant toi, oh Allah, tu me diras, qui a coupé ça? Je te dirai, ça a été coupé en toi, ô Seigneur. Également, on prend dans cette bataille que le croyant, si jamais il se fait tuer dans la bataille, par fierté ou par orgueil, il fera partie des gens de l'enfer. Et il est menacé, yani, par le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme c'était le cas d'un homme qui s'appelle Qusman. Cet homme, il a une histoire étonnante. Et c'est l'occasion de vous la citer. Et, yani, cet homme, il combattait dans la bataille de Uhud d'une manière quasiment personne n'a combattu comme lui. Et son histoire, c'est que cet homme, il n'a pas pu participer dans la bataille de Badr. Et les femmes ont commencé à l'insulter et dire de lui qu'il était peureux et qu'il n'est pas sorti avec les musulmans dans Badr. Et quand est venue la bataille de Uhud, il a décidé de sortir. Et il est sorti uniquement pour qu'on ne dise pas de lui que c'est un peureux et qu'il manque de courage, et pour qu'on dise de lui que c'est un homme courageux. Il a combattu d'une manière impressionnante. Ça a attiré l'attention de tous les combattants dans cette guerre, la bataille de Uhud. Et le Nabi alayhi salam, quand le sahaba était étonné, stupéfié par sa force et son courage, le Nabi alayhi salam leur disait, c'est un homme parmi les hommes de l'enfer. Et certains sahaba se sont étonnés, ils l'ont suivi. Ils ont regardé comment il combattait, et à un moment il a été blessé. Et quand il est tombé, il a pris ensuite son épée et il l'a mis en dessous de lui. Il s'est fait tuer de cette manière. Et il a dit, mourir comme ça est meilleur que de revenir avec des blessures et d'être vaincu. Donc cet homme, il a combattu pour qu'on dise de lui, pour le courage et pour la bravoure et pour la fierté, et non pas pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils ont dit, sahaba, quand ils ont vu ça, ils ont dit, sadaqa rasulullah. Le messager d'Allah alayhi wa sallam a dit vrai. Et ce qu'il leur a dit, ça s'est concrétisé devant eux. Également, Ibn al-Qayyim rahimahullah, il dit, parmi les règles, c'est que le martyr, dans le combat, on le lave pas et on prie pas sur lui. Et on le met dans ses vêtements. On lui met pas des linceuls, on l'enterre dans ses vêtements. Sauf si on a volé ses vêtements ou ses vêtements ont été déchirés de sorte à ce qu'on voit son corps, à ce moment-là, on le place dans un linceul et on l'enterre avec son sang et avec ses blessures. Comme le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a informé, le jour du jugement dernier, il viendra avec son sang. La couleur, c'est la couleur du sang, mais l'odeur, c'est l'odeur du musc. Donc le martyr dans le sentier d'Allah, dans la vie de la plupart des savants, il n'est pas légiféré de faire salat sur lui. Yani, c'est unanimement d'accord qu'on ne le lave pas. Mais la salat, il y a une divergence. Il y a des savants qui voient qu'on prie sur lui. D'autres voient que prier sur lui, c'est uniquement une sunna. Et d'autres voient qu'on ne prie pas sur lui du tout, et que ceci n'est pas légiféré, et ça c'est l'avis de la plupart des savants. Également l'avis de l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah. On ne prie pas sur lui parce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a prié sur aucun des martyrs, ni dans Badr, ni dans Uhud. Et il a été rapporté que plus tard il a prié sur eux, mais les savants disent ça c'est pas une salade sur le mort. Ça c'est uniquement une visite des morts, comme ils visitent les morts dans les cimetières. Et le Hafiz ibn Hajar, il dit que après tous les dalils authentiques au sujet du fait que ce n'est pas légiféré de prier sur le mort, yani, il faut se contenter de ça. C'est ce qu'a dit Ibn Hajar dans Fath al-Bari. Le mort, quand il décède, en étant dans un état d'impureté, de grande impureté, les anges le lavent, comme ça a été le cas pour Hanzala radiallahu anhu. Les martyrs dans les batailles, on les enterre au même endroit où ils étaient tués. Au même endroit où ils étaient tués. Il est autorisé d'enterrer par deux ou plus dans une seule tombe. Quand il y a une nécessité. Quand il y a une nécessité, un besoin. Mais sinon, les savants disent que ceci n'est pas permis à la base. Et Nabi Issa Salim l'a fait ici parce qu'il y avait des raisons valables. Qui avait des raisons valables. Et quand on enterre par plusieurs dans une même tombe, on met le premier, celui qui connaît le plus de Coran. Et vous voyez le mérite de le Coran, même dans la tombe. Même dans la tombe, c'est lui qui passera le premier. Ensuite, l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, a parlé des sagesses qu'on puisse tirer de cette bataille. Il a parlé des sagesses qu'on puisse tirer de la bataille de Uhud. Il en a cité plusieurs que je vais vous résumer et vous citer les plus importantes. Malgré qu'elles sont toutes pas importantes, mais c'est un peu long. Donc, il a dit, rahimahullah, qu'Allah Azza wa Jal a mentionné les nombreuses sagesses qu'on puisse tirer de la bataille de Uhud dans Sourate Ali Imran à partir du verset 121. Et yani jusqu'à 60 versets, c'est-à-dire jusqu'à 180. Dans tous ces versets, ces 60 versets, dans Sourate Ali Imran, Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné énormément de sagesse. Et la première par laquelle l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, a commencé, c'est qawl Allah azza wa jal, وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ. Donc le premier, c'est celui qu'on a vu tout à l'heure. Le premier verset, c'est celui qu'on a vu tout à l'heure. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدًا. Dans la traduction approximative, souvenez-vous, quand vous preniez la fuite, ou plus, enfin, le verset avant, Allah a tenu sa promesse envers vous, lorsque par sa permission, vous les taillez par vos épées. Les versets qu'on a vus. Et à la fin de ce verset, Allah dit dans le sens approximatif, et il en était, parmi vous qui voulez dunya et parmi vous qui voulez l'akhira, puis, pour vous mettre à l'épreuve, il vous a fait fuir devant eux, mais il vous a déjà pardonné. Il vous a déjà pardonné. Donc Allah Azza wa Jal les a éprouvés dans cette bataille afin de leur montrer d'une manière extrêmement claire la mauvaise fin de la désobéissance et que c'est la cause de l'échec et que c'est la cause de l'échec et des disputes. Donc une seule désobéissance, regardez ce que ça a donné. Alors que dans les rangs, il y avait le messager d'Allah et les meilleurs alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Une seule désobéissance, regardez tous les dégâts que ça a donné. Et ça, c'est pour montrer aux compagnons radiallahu anhum la gravité de la désobéissance au messager alayhi salatu wassalam. Et subhanallah, c'était une très très grande leçon pour eux. Et ils ont compris ce point et c'est pour ça qu'ils vont être très très vigilants dans tout ce qui va suivre. Et ils vont être en garde contre ces choses-là. Également, parmi les sagesses, dans ce qui est arrivé dans la bataille de Uhud, c'est que la tradition d'Allah Azzawajal dans ses créatures, c'est que la victoire tantôt est pour ses alliés et tantôt est pour ses ennemis. Mais la bonne fin est toujours pour ses alliés. Et ça, c'est pour distinguer les sincères et les véridiques des menteurs et des hypocrites. Car si les croyants gagnaient tout le temps, alors à ce moment-là, même les hypocrites vont se mettre avec eux. Car c'est un groupe qui, comme ils disent, une carte gagnante. C'est un groupe qui gagne tout le temps. Donc tout le monde va se mettre avec eux, les sincères et ceux qui ne l'ont pas. Et ça, ça fait partie des signes de la prophétie et de la véracité de notre prophète, alayhi salatu wassalam, comme l'a dit Hiraql, si vous vous souvenez, quand il a interrogé Abu Sufyan, hadith est dans l'authentique de l'imam al-Bukhari, selon Abdullah ibn Abbas, il lui a dit, est-ce que c'est lui qui gagne tout le temps, ou vous gagnez des fois et lui il gagne d'autres fois? Il a dit, on gagne des fois et lui il gagne des fois. Il a dit, ainsi sont les messagers et les prophètes. Également, parmi les sagesses que l'imam ibn al-Qayyim rahimahullah a cité, c'est pour distinguer le vrai croyant du menteur hypocrite. Car quand Allah a accordé la victoire, cette victoire, cette grande victoire aux croyants dans la bataille de Badr, et que tout le monde a entendu parler de cela, et qu'ils sont devenus une puissance, c'est là où l'hypocrisie est apparue. Et des gens se sont mis dans l'islam alors qu'ils n'étaient pas des muslimines. Et ça, c'est ce que Allah Azzawajal a dit dans le verset 179 dans sourate Ali Imran. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ. Dans le sens approximatif, Allah ne laisserait pas les croyants l'état où vous êtes, sauf le temps qu'il faut pour distinguer le mauvais du bon, ou le mauvais du bon. Pas plus qu'il ne saurait vous révéler l'inconnaissable, mais Allah choisit qui il veut parmi ses messagers. Croyez donc en Allah et son messager, car si vous croyez et avez la piété, vous aurez une immense rétribution. Donc c'est pour distinguer le bon du mauvais également, qu'il puisse y avoir des choses comme ce qui s'est passé dans la bataille de Uhud. Également, Allah Azzawajal a décrété ce qui s'est passé dans la bataille de Uhud afin de tester ses serviteurs et ses alliés et d'avoir d'eux l'adoration dans les moments fastes comme dans les moments néfastes, dans l'aisance et dans la difficulté. Car Allah aime qu'il soit adoré dans les deux, dans la victoire et dans quelque chose qui ressemble à une défaite, quand tu es touché par un bien comme quand tu es touché par un mal. Donc Allah subhanahu wa ta'ala aime voir de ses serviteurs les deux. Et non pas comme ceux qui adorent Allah uniquement dans l'aisance et dans la facilité. Et quand ils sont touchés par une épreuve, ils se retournent sur leur dos et yantakisun. Également parmi les sagesses, et ça, comme ce qui a précédé à peu près, si Allah accorde tout le temps la victoire à ses alliés, et qu'il gagne dans toutes les rencontres, ils peuvent être touchés par une forme de d'autosatisfaction. Ils peuvent être touchés par une forme d'autosatisfaction et yani de ce qu'on appelle tourian. Une forme de tourian également. Yani comme une forme de rébellion et de croire que la victoire elle vient d'eux. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla les éprouve avec les deux. Car si c'est toujours la victoire, ils peuvent être touchés par yani l'ujb également, par une forme d'arrogance. Et c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla les éprouve avec les deux. Les éprouve avec les deux, avec les choses fastes et les choses néfastes. Subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il est le sage par excellence. Il sait ce qui est meilleur pour ses serviteurs. Également, quand ils sont éprouvés par une défaite et par des choses amères, ça sera une cause d'humilité pour eux et de soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est avec cet état d'humilité, de soumission à Allah et de dévotion qu'il leur accordera par la suite la victoire. Également parmi les sagesses dans cette bataille, la bataille de Uhud, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accordé le degré du martyr qui est parmi les degrés les plus élevés qu'il accorde à ses serviteurs et ses alliés. Et les martyrs sont les serviteurs, parmi les serviteurs les plus proches d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il n'y a au-dessus du degré du martyr que le degré des véridiques. Et Allah subhanahu wa ta'ala aime voir de ses serviteurs sacrifier leur vie pour sa satisfaction et son agrément. Et ça, c'est parmi les adorations les plus élevées dans l'islam. Il a cité quelques autres sagesses. On va se limiter aujourd'hui à cela, bidnillah. Demain, nous allons parler d'une autre bataille, mais en réalité, ce n'est qu'une continuité de cette bataille de Uhud. Car les croyants, quand ils sont rentrés à Médine, sont rentrés le samedi. Le lendemain, le dimanche, ils ont entendu que Kuffar Quraysh n'était pas très très loin de l'Madina et le Nabi alayhi salam a ordonné à ses compagnons de porter leurs armes et de se préparer pour la sortie, pour la rencontre de Kuffar Quraysh à nouveau. Et il les a incités à cela et il a dit « Il ne sort avec moi que ceux qui sont sortis hier. » Et Ubay ibn Saloul, qui avait fait demi-tour dans la bataille de Uhud, il a demandé à ce qu'il sorte avec Nabi alayhi salam et Nabi alayhi salam a refusé. Donc ils ne sont sortis que les mêmes hommes qui sont revenus de Uhud, vivants. Les 700 hommes, tu retires les 70 qui sont tombés martyrs, donc 630 qui ont obéi à Allah et son messager et qui sont sortis dans leurs blessures qui étaient encore toutes fraîches. C'est des blessures de la veille. Ils sont sortis avec une détermination pour rencontrer à nouveau Quraysh, 630 hommes. Et ça, c'est une bataille qui s'est fait appeler Ghazwat Hamra al-Asad, car elle s'est déroulée dans un endroit qui s'appelle Hamra al-Asad, à peu près 80 km de l'Madina, à mi-chemin entre l'Madina et Badr, l'endroit dans lequel s'est déroulée la bataille de Badr. Voilà pour aujourd'hui. Je demande à Allah Azza wa Jalla de nous accorder à tous la science bénéfique et profitable, de nous faciliter les œuvres pieuses et acceptables, de nous faciliter les adorations, en particulier dans ces quelques nuits qui restent de ce mois béni, le mois de Ramadan. Et je vous invite tous à faire beaucoup de dua, surtout dans les nuits, à faire beaucoup de dua et de lire le Coran autant que vous puissiez et de faire le maximum de salawat que vous pouvez. Et de faire le maximum de salawat. Et bien évidemment, ce qui est demandé, c'est pas la quantité, forcément, mais c'est la concentration et le khushu' et la méditation et d'être touché par tes adorations. Et ça, même si ça arrive pas tout de suite, yani, il y a des imams pour qui c'est arrivé au bout de 10 ans, 20 ans. Mais il faut être dans cette optique. Pas forcément faire beaucoup, mais faire des choses, yani, qui seront une cause de ta sauver auprès d'Allah avec sa permission. Wallahu a'lam. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.